reste et resterai debout. Comme un soldat au garde à vous. Depuis tout petit, galère dans la boue, la rage au rendez-vous. L'avenir est flou comme mon flow, ça me rend fou qu'on nous refuse tout. Pourtant il faut des sous, alors on ruse tous. Dans le ghetto, le micro devient un kébousse. Repousse le niveau et fais tout pour que ça éclabousse. La misère à nos trousses, pas de place pour la frousse. Ici on te pousse dans la fosse et c'est la grosse merde. Ça joue les boss, merde, univers terne. Faut que je monte à terme pour m'enfermer dans un coffee shop. Je prends pas de coke mon pote, je suis anti-cam. Mais si j'avais un kilo d'herbe dans mon local, en moins d'un mois je les crame. J'rappe pour les cramer, non moi je vais pas crâner. Pas la pompe à vanner sur scène, je suis pas le tube de l'été. Aucun piston enregistre à la rage sans pitié. Fils d'ouvrier, j'ai le sème dans mon cœur, chante pas la gaieté. De rien pour en arriver à rien, ça donne rien de bon. Attention, faites place aux mauvais garçons. Acteur d'un film où les producteurs ont pété les plombs. J'ai coupé les ponts avec l'État et ce depuis des plombes. J'suis pas là pour me plaindre, l'eau a coulé sous les ponts. Depuis l'époque où j'en voulais à tous ces cons, c'est dingue. Y'a ceux qui sortent le flingue pour faire entrer les thunes. Ceux qui en ont plein le cul, aller-retours onze et bitume. Moi j'raconte l'amertume, la rage dans la rétine. Rien que j'enchaîne la fume, ruiné par la résine. Ouais, ma vie c'est la routine, cousin, cousine. J'roule pas en limousine, j'pourrais même pas en louer une. J'ai rien d'intime avec la thune. Génération perdue, des galères à raconter, mec, j'en ai pas qu'une. Échec scolaire donc lacune, la vie a un goût de rancune. Les bras ouverts, la rue m'accueille dans ses tentacules. On n'a pas choisi de vivre dans un quartier moisi. Ivre comme après un chef-là et trois feux split. Je m'introduis dans le rap légendaire comme Spad Jari. Raconte ma vie avec ma clique et nique l'industrie du disque. Pas d'histoire de fils, encore moins d'impôts. Moi je reste ghetto, toujours pas de peau pour moi et mes potos. Des plans sur le déco, vente de bedo, histoire d'escrocs. On a les crocs, droit à la frousse, joue pas les macros. Quand la rage parle, tu peux pas tester. Contester un mec qui retourne jamais sa veste. Infester les ondes avec du son de qualité, c'est ma vie. Demande à Tony, j'ai rien d'un Montana. J'suis pas fada, des histoires de cadavres et de nana en Prada. Le string crada, c'est de la schlada. Ou si tu préfères, c'est de la latza. Rappelle-toi les allers-retours en 2-6 jusqu'à Breda.